Première sélection de cette dernière émission de 2013. Et oui, c'est l'édition de décembre et c'est la dernière. Première sélection, je disais, les Pretty Things, avec un album de 74 intitulé Savage Eye. Savage Eye. Les Pretty Things qui étaient en concert à Bourgoin, à l'abattoir, vendredi dernier, et qui nous ont éblouis avec leur rock façon 60s. On n'était pas très très loin des Rolling Stones et des Beatles. Et à ma grande joie, eh bien, la salle était bien remplie. Un autre écho d'un concert qui nous a absolument emballé, The Gathering, tout de suite, extrait de cet album sorti en 2003, Souvenir, The Gathering. Give it. Jeune formation hollandaise, malgré son nom, le soir. Ils ont assuré la première partie de The Gathering et mon collègue Jean-Louis et moi-même, on a été emballés. Imaginez un The Gathering avec une forte tendance prog, peut-être plus prog que The Gathering, même si je suis très très fan du combo hollandais. Donc avec de la flûte traversière, des guitares à la King Crimson, avec des percus très travaillés. Un pur régal, un jeune groupe avec un nouvel album, un premier album, Trans Science. Voilà, donc on va prendre une partie la semaine dernière de The Gathering, le groupe Le Soir, comme le soir en un seul mot. Là, c'est carrément le coup de cœur. Le coup de cœur avec les Norvégiens de Airbag. Ils sont de retour avec The Greatest Show on Earth. The Greatest Show on Earth. Et si vous aimez le Pink Floyd, ce qui est mon cas, vous allez craquer. Et j'espère que ce sera votre cas. Tout de suite, Airbag sur le 100.7. Et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Stumble and fall behind, and I feel the urge to fight, but I still pretend that I can have it all. Les Britanniques de Solstice, coucou les revoilous, avec un nouvel album intitulé Prophecy. Tout de suite, Solstice. Thank you. plans. One thing to breathe with no regrets in my hands. Long will be my march, short will be my mark. Crazy nature, you will lead my way. Long will be my march, short will be my mark. Crazy nature, you will lead my way. hanging off the wall. Flowers I haven't given you, as far as I know. Your fascination quietly making out the door. Now I know what you're dreaming of, all alone on the shore. You wanted to tell me more, so many times before. But I just don't wanna know things that stop me hoping for. And what I have is mine, and what is yours is yours is yours. Did I get you wrong? You never been to heaven without just waiting for the call. No, no, don't you ever let me know what I have to know. No, I don't need to know it's all. I've got to go. No, don't you ever give me back, can't have them all. No, when I feel I have to go, I tell you. I John Anderson. To hear me, my Buddha, I hear. Change we must, nous devons changer. Oh oui, comme il a raison, Change we must. Un album de 94, un album solo qui rappelle le tout premier superbe opus de John, je veux dire Olias, je pense à Olias of Sun Hilo. Donc un album de 94, enfin réédité par nos amis d'Ésotérique. On passe maintenant, retraverse the channel pour The Black Noodle Project. The Black Noodle Project, Ghosts and Memories. Ce sont, malgré ces noms, ce sont des Français. Et c'est, ma foi, fort bien troussé. The Black Noodle Project, tout de suite.

Quelques mots d'explication. Silver Lining, vous avez pu entendre Lovestalgia, extrait des Inner Dragon, avec une version alternative, alternative version, une version un petit peu différente de celle qui figure sur l'album, notamment au niveau des vocaux, suivi d'un morceau du dernier album de Tim Hunter, comme le chasseur. L'album s'intitule Ascension, Ascension, et le morceau que vous avez pu entendre, Ascension, également. Pourquoi les deux groupes, les deux morceaux, l'un derrière l'autre? Tout simplement puisque Silver Lining et Tim Hunter vont faire qu'un seul duo à Londres la semaine prochaine. Je m'explique. Sous le terme de Silver Hunter, votre humble serviteur au chant, et Tim Hunter au chant également à la guitare, vont interpréter dans un certain nombre de pubs à Londres un extrait de leur répertoire. Donc Tim Hunter jouera des extraits notamment de Ascension et The Aura. Et votre humble serviteur jouera des extraits des morceaux de The Inner Dragon, en l'occurrence Lovestalgia et Castaways. Voilà, vous savez tout. Donc une tournée duo acoustique à Londres du 9 au 12 décembre, la semaine prochaine. Tous les détails sur le net. Voilà, eh bien, il est temps pour moi de vous quitter avec un dernier morceau, encore des Lyonnais. Sarcasme, les petits jeunes ont frappé avec un deuxième opus qui s'intitule Instinct, sorti chez la Mousséa. Voici tout de suite Sarcasme. émission de 2013 avec les petits Lyonnais de Sarcasme, un album intitulé Instinct. Voilà, on se retrouve en janvier, le premier lundi, et ce sera le 6 janvier de 20h30 à 22h30. D'ici là, eh bien, vous retrouverez, grâce à l'ami Jean-Louis, eh bien, vous retrouvez cette émission en podcast sur le site d'Acid Dragon, puisque vous savez que Prog à part et Acid Dragon sont intimement liés. Donc voilà, et puis d'ici là, bah, tenez Tati, faites de jolis cadeaux à vos proches et des cadeaux progressifs, comme je lisais l'autre fois sur le net. Offrez des disques, des livres qui sont, ou même des choses artisanales faites par vos amis, vos voisins, plutôt que de faire travailler les grands trusts. Ça, c'est plus personnel et en même temps, c'est un petit coup de pouce à la jeune création. Voilà, fin du petit conseil de la mère Michu, hein, Dieu. Et donc, eh bien, à l'année prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, présentée, réalisée par votre humble serviteur Thierry Sportouche. Avec l'aimable soutien technique de Jean-Louis de la Cruz, qu'il soit ici remercié. Ciao, ciao.